La tête sur Mars, les pieds dans les orties, je me frotte à des classiques. S'enchaîne les tensions domestiques, je rigole quand la déprime s'esquisse. Comme sur des airs, c'est du chiglisse. Rien est free, nous comestibles. Atmosphère tendue, ambiance électrique, et moi j'arrose la prise. Mentalité calculatrice. Les CHF dans la pupille, la bave aux lèvres, l'envie qui me titille les papilles et hante mes rêves. Un mélange de stress et de paresse. Un flé mardi sans l'herbe sèche. L'amertume dans mon assiette et de la rage dans mon frigidaire. Je trace ma route et laisse les putes derrière. J'en fais ma gueule. Pas de muselière au but terrier. Terre, odeur de gasoil dans le Seine. Je traîne dans ma sphère, dehors même sous la tempête. Pas n'importe quel temps, bref. J'suis allé, j't'emmerde. Y'a du sky dans mon verre et pas de thème dans mon texte. J'écoute personne, moi. Marécage trite à l'oreille. Mes cicatrices réparent entre cauchemar et beau rêve. Hey man, tu m'attends ma villa derrière des Ray-Ban. Ici y'a rien à voir, mec. Demande à Richards. On rêve debout, les yeux ouverts au cauchemar. Insomniaque dans notre matin, cache du tosmar. Saï, mon sale gosse parle. Pas de mensonge, frère. J'suis perdu dans un son, à écrire des chansons de merde. J'passe des nuits blanches à décortiquer le problème. Et j'entends des mythomanes me faire de belles promesses. Dans ta vie, peu progresse. Un espoir dans le rap, plus un esprit malin qui ramènera d'argent sale. J'pèse le rap dans le champagne. Ma taille de Ballantine dans la tête au marchand de sale. Mon reflet bizarre dans la glace. Cogite tergiverse en état d'ivresse. Faut de le plexiglas. Pas sur mes pattes, automatique sur mes papiers. Grêle dans mes stratagèmes, carré dans le brouillard. Des intempéries sur mon trajet. On s'emmerde depuis le pampers, mec. Pour éviter les pertes. J'ai la ruse du daron, pas l'honnêteté de mon beau-père, t'sais. J'm'emballais que des grosses putes m'estiment. J'ai cramé mes poumons et mon tube digestif. Ma zone pue la pinche, j'ai le spliff. Le sperme, elle spread. Ça réflexe, elle est grandisse. Que le respect se perd. J'efface ma hantise. Dans deux ou trois bouteilles, et j'balance les blabla des grandes gueules à la poubelle. C'est tout bête, mon coin de rue, mon bout de fraîche, mon couplet. Et pour baiser la vie, y'a pas besoin de lui acheter de bouquet. Je sais, ça parle mal, et ça se tape pour des broutilles. Et moi j'tise quand les mamans de Vesna tapent le footing. Des brouillards dans la rue, le renard de la basse-cour. Moi j'suis pas ta mascotte, mais Bill le frère à Tabasco. Perdu dans le brouillard, pleine lune et pied de biche. On oublie vite les liens de parenté pour un billet de vie. J'tape la marée chaussée, évite leur petite séance de décrassage. De marbre, mes mon estomac quand ma mère fait son repassage. Pétarise pour calmer les soupapes. Grâce ma cage thoracique, mélange la tease et les boissons énergétiques. Je remorque le vice et la bêtise. Je croise l'angoisse au giratoire, prends la haine au virage. Sur le trottoir, percute mon sommeil au passage. Période étrange, t'es orageux sur mon coin ombragé. Le brouillard irrite ma trachée. Les canines se cassent sur des dragées. J'ai pas du peine et bactéries. Tu venais à partager, sauter de la case de la psychiatrie. Malgré le désir tout saccagé. Grave des carreaux avec mes clés. Écorche ma peau, tumeur corrosive. Des dièses de sucre gastrique. Des talents cachés de dentiste. Vous aurez pas car mon passage, on a l'esprit dans le brouillard. Roi du noir, les temps sont gris. Plein de gribouillage, la beuh dans les mouchoirs. On rêve de baise et fume des pètes. Nique le sky à perpète, mec, cette vie me laisse perplexe. Le parapluie attire la foudre. On oublie les traditions, c'est pour ça qu'on traîne nos Nike sur le sentier de la perdition. On détourne les dictons, faire la revanche et gagne la belle. Pêche au détail à l'Afghan, et le Mexicain garde la pêche. Mes solutions fluctuent, trop dur, mon flot te tue.